Pendant tout le voyage, il m'a raconté sa vie. Il a beaucoup souffert pendant son enfance. Je l'ai rencontré pendant mon séjour à Paris. Il a plu toute la journée. J'ai appris le français pendant un an, puis j'ai abandonné. Il y a eu 3 sonneries de téléphone pendant le concert. Je me suis beaucoup amusé pendant l'été dernier.